La robe et l'épée ou la jeunesse de Duguay-Trouin par Pitre Chevalier. Chapitre 1er, Saint-Malo. Nous n'apprendons rien à la plupart de nos lecteurs en leur disant que l'aspect et la position de Saint-Malo sont des plus magnifiques et des plus terribles qu'on puisse voir. Il faut, pour les apprécier complètement, arriver par mer dans la vieille cité d'Aron. Mais si vous ne pouvez vous donner ce plaisir, jetez un coup d'œil sur la carte de la Manche. Non seulement Saint-Malo domine le plus large golfe de ce petit océan, mais depuis la pointe du Thalberg jusqu'au cap de la Hogue, quelle effrayante série d'îlots et de promontoires, de bancs et de rochers, de forts et de canons. Ne dirait-on pas d'une gueule fantastique, ouverte du sud au nord par un arc de 50 lieues, et hérissée de 1000 dents de granit blanchies par l'écume ou noircies par la poudre? Or, pour descendre jusqu'à Saint-Malo, qui occupe le fond de cette gueule, il faut braver tous ces récifs et conjurer tous ces tonnerres. Et une fois descendu là, vous trouvez un nid d'aigle sur un écueil, une ville aussi compacte et aussi sourcilleuse que le roc qui la supporte, cramponnée à ce roc, ainsi qu'un vaste polype, avec ses tours et ses bastions crénelés, une ville coiffée tous les matins d'un brouillard et tous les soirs d'un orage, portant un collier de bouche à feu par-dessus sa cuirasse de pierre de taille, attachant à ses flancs nus la mer montante comme une robe d'azur à franges d'argent, secouant autour d'elle avec une coquetterie farouche l'écharpe ruisselante des vagues, lançant loin son môle et ses forts comme autant de défis à la tempête, berçant dans son port une armée de vaillants matelots sur une flotte de vaillants navires et dénouant à chaque marée sa ceinture écumante pour livrer passage aux invincibles enfants de Duguay-Trouin et de Surcouf. Pendant les dernières années du XVIIe siècle, sur le déclin du soleil de Louis XIV, au plus fort de nos guerres avec l'Angleterre et la Hollande, Saint-Malo régnait sur la Manche dans toute sa formidable majesté. Seul alors et nu sur ce rocher, à peine attaché à son câble de pierre, quelquefois rompu par l'ouragan, la cité d'Aron ne portait pas encore ses lourdes chaussées, dont le génie moderne a flanqué ses murailles. Saint-Servant, son fiancé jaloux, ne lui avait point mis aux côtés ce bouquet de villas fleuries et de jardins anglais, dont les parfums offusquent son rude orgueil. Elle respirait sans mélange l'arôme du goudron pétillant dans ses chantiers, ou l'odeur des algues sauvages broyées par l'océan sur sa grève d'or. Elle n'avait d'autre parure que ses longs remparts battus de l'onde, ses hautes tourelles battues du vent, son gothique château balafré par les boulets, sa noire couronne d'artillerie foudroyante, sa meute de bouledogues hurlant autour de ses portes, son peuple de mariniers en chemise rouge et en culotte blanche, ses vaisseaux à la voile dans sa rade ou à l'ancre dans son bassin, quelques moulins épars, dont l'ouragan déchirait les ailes, et aux jours de bataille, qui étaient ses jours de fête, la fumée de ses canons pour panache, la flamme de ses brûlots pour feu de joie, la bombe en éclats sur sa tête et la mitraille criblant son drapeau. Alors, tout bourgeois de Saint-Malo portait l'épée, gardait sa ville et sa maison, armait et montait son navire, et faisait la course entre les deux mondes. Au premier vaisseau qui lui criait « Qui vive ?» Ce vaisseau eut-il 100 canons ? Il ne répondait ni breton ni français, mais malouin. Il arborait au grand mât son pavillon semé d'hermine. Il prenait la hache d'une main, le pistolet de l'autre, et le poignard aux dents, il sautait à l'abordage. Puis il amarinait tranquillement sa prise, l'amenait au port en fumant sa pipe et la partageait avec le roi. Quand il avait ainsi rempli ses coffres et ceux de l'État, il endossait l'habit de drap d'or, allait saluer Louis XIV à Versailles, et s'en revenait, gentilhomme et capitaine. Si quelque trêve ou quelque blessure le retenait à terre, il élevait un hôtel de granit sur son rocher, une villa royale dans ses bois, ajoutait un quartier à sa ville, un bastion à ses remparts, un phare à son rivage, et donnait une église à son évêque ou un hôpital à ses compagnons. Toute la population de Saint-Malo était digne de ses négociants et de ses capitaines. Né avec cette triple cuirasse que prête le poète au premier navigateur, chaque enfant avait une nacelle pour berceau, la mer pour nourrice, la voile et l'aviron pour hochet. Celui qui eût tremblé à son premier combat eût été, comme le fils de Jean Bart, attaché par son père au milieu de la mitraille. Aussi les matelots malouins étaient-ils connus et redoutés comme les plus habiles et les plus intrépides, toujours les premiers à l'abordage et les derniers sur la vergue. leur réputation était si incontestable qu'ils composaient exclusivement, par ordonnance du roi, l'équipage du vaisseau amiral de France, portant le premier pavillon de la chrétienté. Tel était Saint-Malo, et tels étaient ses habitants, au moment où s'ouvre l'histoire qu'on va lire.